Ah, c'était l'un des grands moments de cette saison dans The Voice. Merci à Frédéric Lombois d'être venu nous apporter ta spontanéité, sa bonne humeur et plein de choses. Évidemment pour l'album que vous êtes en train de faire, monsieur Lombois. Merci d'être passé par RTL, première de France. Il est 23h. Les toutes dernières informations de cette soirée dans RTL Grand Soir avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Tout d'abord, près de Lyon, la mère des deux fillettes a retrouvé morte dans une caserne ce week-end qui a été déférée en vue de sa mise en examen. La thèse de l'infanticide est privilégiée par les enquêteurs. Les explications de la mère de famille seraient contradictoires, mais elle conteste toute responsabilité. Le drame s'est déroulé dans un logement de fonction de la caserne des gendarmes de Limonest. Ni l'autopsie, ni les analyses toxicologiques n'ont permis de déterminer les causes précises de la mort des deux enfants âgés de 3 et 5 ans. Pas d'exception, même pour les bacheliers, les syndicats appellent à la poursuite de la grève à la SNCF. Alors que la réforme contestée a été adoptée définitivement aujourd'hui par les députés, le Sénat votera demain. L'intersyndicale des cheminots continue de vouloir montrer un front uni en appelant à se mobiliser massivement le 28 juin prochain pour le dernier jour du calendrier des grèves. Dans un premier temps, la CFDT avait appelé à suspendre le mouvement pendant les épreuves du bac pour faire un signe en direction des candidats, mais finalement l'intersyndicale en a décidé autrement en appelant à maintenir la pression sur les prochaines séquences de grève. Les migrants au cœur d'une crise diplomatique entre Paris et Rome. La rencontre prévue vendredi entre Emmanuel Macron et le nouveau chef du gouvernement italien pourrait être annulée après la polémique autour de l'Aquarius, ce bateau de SOS Méditerranée qui transporte 630 personnes sauvées au large de la Libye et que l'Italie a refusé d'accueillir. Décision critiquée par le président français, parlant de cynisme et d'irresponsabilité. Rome réclame des excuses officielles. En football, Alexandre, Paris soupçonné, mais finalement, Paris soulagé, pas de sanction de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain. Le club parisien était la cible d'une enquête pour une possible infraction aux règles du fair play financier déclenchée après les transferts de Mbappé et de Neymar dans la capitale pour un montant pharaonique de plus de 400 millions d'euros au total l'été dernier. Le PSG n'est pas sanctionné par le gendarme du football européen, mais il devra quand même vendre des joueurs et encaisser 60 millions d'euros avant le 30 juin pour compenser les dépenses de l'été dernier. Et puis en rugby, le sélectionneur de l'équipe de France annonce 5 changements dans le 15 de départ face aux All Blacks pour le deuxième test match des Bleus samedi à Wellington. Exit Grosso, Médard, Sanconi, Cancoriet et Gabrilag, remplacés respectivement par Fall, Ficou, Galtier, Babillot et Leroux. On passe à la météo. Et 12 départements toujours en vigilance orange pour des crues dans le nord-ouest et le sud-ouest. On retrouve Patricia Charbonnier. Rebonsoir Patricia. Rebonsoir à tous. Le temps est resté encore très instable aujourd'hui, notamment dans le sud, en particulier dans le sud-ouest, avec de fortes averses à caractère orageux. Mais la tendance est enfin l'amélioration. À partir de demain, on va retrouver une situation météo plus calme. Le retour du soleil même sur la moitié est du pays, avec encore un petit risque d'averse sur le sud des Alpes et le relief corse. Grand soleil près de la Méditerranée, mais sous de fortes rafales de Mistral et de Tramontane, alors que sur la moitié ouest, le temps sera encore très nuageux demain, tout au long de la journée, avec même quelques pluies, mais faibles et localisées. Entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, le tout dans des températures en baisse, on repasse en dessous des normales de saison. 10 degrés seulement demain matin à Lille, 12 à Paris et Quimper, 18 à Cannes et de 18 à 29 dans l'après-midi. 18 à Cherbourg, 20 degrés à Lille, 22 à Paris, 26 à Nice et 29 à Marseille. Merci pour toutes ces précisions, Patricia Charbonnier. On se retrouve toute l'équipe d'RTL Grand Soir demain, 22h, 23h, jour d'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Il est grand, ça commence demain. Ça commence demain. Il 7h. Il était temps que je rentre. Mais bonsoir, Georges. Oui, on est heureux de vous voir. Merci. Et bravo. Ça va bien. Et bravo pour tout ce qu'il a. Très bien. Et dites-nous alors vous l'avez avec vous le prix reçu aux États-Unis la semaine dernière? Ah non, je ne l'ai pas amené. Non. J'ai eu du mal d'ailleurs à le passer à la douane. Il était tellement encombrant. Non, je plaisante. On rappelle. Oui, expliquez-nous quand même. C'est la troisième fois que la CMA à Nashville m'offre quelque chose parce que c'est comme ça. Très bien, vous êtes blasé. Mais c'est difficile de parler de soi. C'est génial. Et de se lancer des fleurs à soi. Merci. Je suis content. C'est tous les 10-12 ans que ça m'arrive. J'adore. C'est vrai, le premier c'était en 95, le deuxième en 2007, et le troisième en 2018. Et donc le quatrième sera en 18 plus 11, c'est-à-dire 29. Mais genre, on pourra se tutoyer un jour ou pas du tout? Non, finalement, ça va être compliqué. Vous êtes sympa quand même. Merci Pierre Navé. Pierre, merci. Voilà, c'est malin. Il y en a plein à la console. C'est malin. Elle va marcher quand même. Je vous embrasse tous. On vous embrasse, Georges, à demain. RTL. Première radio de France. RTL. Et si on parlait de la French Touch Renault ?

ça. Moi, j'aime bien. Ce groupe s'appelle Young Gun Silver Fox Love Guarantee. Il perpétue le son de la Californie des années 70-80. Et ils le font avec grande maîtrise. Et si vous avez aimé Young Gun Silver Fox, vous devez adorer Steely Dan, que voici. FM, No Static at All. Belle et douce nuit avec RTL et RTL.fr et même Belle RTL en Belgique. Qui nous a quittés il y a quelques mois. FM, No Static at All. RTL, toute la musique qui vous fait vibrer. Toute la musique qui vous fait rêver. George Lang. La collection George Lang. I'm going to wait till the midnight hour. Let's swim my love, tumbling down. I'm going to wait. Midnight Hour de Wilson Pickett, repris par Roxy Music avec la voix de Brian Ferry. Et ça, c'est une autre reprise. Miss You de Rolling Stones, version Etta James. Bonne nuit, bonne route. Cool, la musique. Jusqu'à 1h du matin. À partir de minuit, ce seront les nocturnes. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. 'Cause I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Écoutez cette version-là, Miss You par Etta James. Il est 23h20 et vous écoutez la collection sur RTL. Voici Charlie Puth avec James Taylor à ses côtés et ça s'appelle Change. On our sisters and brothers, isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. What a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah. Would be to deny somebody of the chance to be themselves. What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same. Why can't we just why can't we just get along? Why can't we just if that's shit. make that change, yeah, that change, yeah. George Lang sur RTL. Would you like to go with me down my dead end street? Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens unless they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demands. Buying dog food now. Starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Will it get to that? Village Ghetto Land, Stevie Wonder, un petit bijou. RTL. Entrez dans le son de la nuit. Dans le son de la nuit. George Lang. La collection George Lang sur RTL. Un autre petit bijou, une pépite. Quelque chose qu'on a toujours plaisir à entendre. Desperado, version originale, celle des Eagles. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but

looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. Janis Joplin. C'est un groupe qu'on passe depuis déjà quelques semaines dans la collection, mais aussi le jeudi soir de Blue Country. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Delta Ray. No Peace in Quiet. And the TV's on the second that they leave. Ghosts don't stand a chance against the radio. That's why I turn the music up to sleep. Cause there's no peace in quiet. Just footsteps on the stairs. Whispers in the silence remind me you're not there. There's no peace in quiet. Tonight I'll lie down. Janis Joplin, Delta Ray et maintenant Fleetwood Mac. Songbird, c'est Christine McVie qui chante. True. Oh my dream. version de Cathy Melua de cette chanson immortalisée par Elvis Presley, Love Me Tender. Songbird avant, Fleetwood Mac. Vous écoutez la collection et si vous aimez cette émission, si vous avez envie de la réécouter, je vous propose tout simplement d'aller vers les podcasts. C'est fait pour ça. Georges Lang. La musique que vous aimez, tout simplement, sur RTL. Et là, je vous propose d'écouter quelque chose qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps. Vous savez, les programmations se suivent, ne se ressemblent pas. Et les Beatles reviennent régulièrement. Mais cette chanson-là, je l'adore plus que les autres. Écoutez-la. Ne vous inquiétez pas, c'est sur un seul canal, l'introduction, mais c'est comme ça, c'est un effet voulu, vraisemblablement par George Martin. Because. 23h49. I'll start it all again. et avant les Beatles avec Because. Demain, eh bien demain, on va écouter la collection, c'est jeudi, et le jeudi, vous le savez, la collection, eh bien, elle vous propose d'aller du côté de la Californie pour écouter les Good Old Sixties, les chansons qui ont marqué toute une génération, une décennie, les années d'insouciance, les bonnes vieilles années 60. Demain, mais pas avant, mais je vous le dis déjà. Hein. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her. Demain, les Beach Boys, bien évidemment, mais on va pas attendre demain pour les écouter. Les voici avec un medley. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Bonne nuit, bonne route, musique jusqu'à 1h du matin. I'm back in the vibrations by my instant les nocturnes, ne bougez pas. RTL, première radio de France. Et si on parlait de la French Touch Renault? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple et d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Mégane en LLD est à partir de 169 € par mois sous condition de reprise. Pour Megan Life TCE 115 sur 49 mois avec un premier loyer de 1800 euros jusqu'au 30 juin si accordiaque. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. Tu rejoins. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de Georges Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Prenez place à bord de Twingo. Pratique avec ses portes arrière, facile pour vous faufiler en ville avec son rayon de braquage record de 4,30 m et fluide avec sa boîte automatique à double embrayage. Testez-la aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Twingo est à partir de 7 990 euros. Pour Twingo Life SE 70, sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'éco-prime Renault de 800 euros et gouvernementale de 1 000 euros déduite. Offre valable jusqu'au 30 juin. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances ? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé ? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. RTL, toujours avec vous. Ne changez rien vos bonnes vieilles habitudes. Restez branchés sur RTL dans quelques instants. Les Nocturnes. La reprise de la musique, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. RTL, minuit et une minute. 24 heures d'info, Alexandre de Saint-Aignan. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la petite phrase qui ne passe pas, les minima sociaux coûtent un pognon de dingue, déclare Emmanuel Macron dans une vidéo, des propos qui suscitent des remous dans l'opposition et jusque dans son propre camp. Invité de RTL Soir, Olivier Faure a réagi à cette sortie pour le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est une phrase qui fleure bon le populisme et qui alimente les préjugés sur les personnes les plus fragiles. La crise de l'Aquarius continue de faire tanguer sérieusement les relations diplomatiques entre la France et l'Italie. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, envisage d'annuler sa venue à l'Elysée ce vendredi. Les conditions ne seraient pas réunies, alors que Rome juge inacceptables les critiques d'Emmanuel Macron après le refus italien d'accueillir les 630 migrants du navire de l'association SOS Méditerranée. Le vice-président du Conseil, Matteo Salvini, a appelé la France à présenter des excuses officielles. Les syndicats de la SNCF appellent les cheminots à poursuivre la grève contre la réforme ferroviaire, maintenir la pression. L'idée d'une pause la semaine prochaine pour les épreuves du bac a finalement été rejeté. Le calendrier prévoit des nouveaux épisodes jusqu'au 28 juin, date à laquelle les syndicats appellent à se mobiliser massivement, je cite, alors que le projet de loi contesté vient d'être adopté définitivement par l'Assemblée nationale. Il sera voté ce jeudi par le Sénat. Le PSG respire, pas de sanctions de l'UEFA suite au mercato gargantuesque du club parisien l'été dernier, rythmé par les arrivées de Neymar et de Mbappé. Paris était sous le coup d'une enquête dans le cadre du fair play financier, une décision qui s'apparente cependant à un sursis puisque les années 2015, 2016 et 2017 ont été analysées, mais l'année en cours, 2018, reste elle aussi sous étroite surveillance. Une nouvelle inquiétante pour le climat, l'Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes de glace depuis 1992, selon une étude synonyme d'une montée des eaux globales de 8 mm avec une accélération spectaculaire au cours des 5 dernières années. Les glaces fondent à un rythme presque 3 fois plus élevé qu'auparavant, ce qui représente une menace pour des centaines de millions de personnes qui vivent dans des zones près de la côte. Le temps, retour des éclaircies, ce sera plus calme sur une bonne moitié est et près de la Méditerranée, mais attention au Mistral et à la Tramontane jusqu'à 80 km/h en rafale. Encore quelques averses sur le sud des Alpes et le relief corse. Dans l'ouest, le temps va rester très nuageux avec un petit peu de pluie dans le nord-ouest. Les températures pour l'après-midi, 18 degrés à Cherbourg, 19 à Brest, comptez 20 à Lille et à Biarritz, 22 à Paris, 26 à Nice et 29 à Marseille. Les courses pour le Quintet en soirée à Longchamp, Bernard Glace vous propose de jouer le 5, le 7, le 4, le 10, le 14, le 13, le 12, le 2 et la dernière minute, c'est justement le numéro 2, Gaetano Donizetti. RTL, 24 heures d'info. Évadez-vous en Californie. HJ Los Angeles. And don't it make my brown eyes blue. Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. CBS Écoutez WRTL. George Lang. Toute la musique des États-Unis. The others. Doctor, doctor. Golden Greats. Keep on running. Power plant. Oh well, oh well. WQXX. Les Martins. Just cause you say so, don't make it true. Just cause it's over, don't mean we're through. bonsoir et bienvenue dans les Nocturnes sur RTL, minuit 9. Je suis ravi de vous retrouver. J'étais parti, vous le savez, du côté des États-Unis. J'étais parti à Nashville pour le CMA Festival. On en parlera demain, d'ailleurs, dans The Valley Country, puisque c'est le jour où on parle de ce qui se passe à Music City. Il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai fait un petit voyage plein de surprises, puisque, bon, on en parlera demain, puisque la CMA, une fois de plus, a honoré l'émission que je vous propose sur RTL, et j'en étais pas peu fier. Et puis, retour mouvementé, puisque certains le savent, ceux qui me suivent sur Twitter, l'avion que je devais prendre pour rentrer hier, eh bien, a subi la foudre. La foudre est tombée sur l'avion, rien de grave pour les passagers, mais tout le système électronique était fichu, quoi. C'était absolument impossible de faire repartir cet avion, ce qui fait que les passagers qui devaient rentrer comme moi à Paris ont dû attendre un autre vol. Et moi, j'ai attendu 26 heures. Alors, vous me direz, c'est long, 26 heures. Ben oui, mais moi, j'y suis pour rien. J'ai suivi ce que l'on m'a dit de faire dans l'aéroport d'Atlanta. Ça m'aura permis au moins de connaître l'aéroport de l'Atlanta de fond en comble. Croyez-moi, j'ai eu le temps de voir tout ce qui se passait dans cet aéroport et puis de passer une nuit dans un hôtel extrêmement confortable, pas loin des pistes d'ailleurs. Mais bon, comme nos amis architectes font bien les choses, on n'entendait pas du tout les avions lorsqu'on était au lit. Cela dit, j'étais très fatigué, donc je suis tombé de sommeil immédiatement au moment où je me suis couché. Voilà, pour ce qui est des petites anecdotes concernant mon voyage, on va continuer à parler musique si vous le voulez. Je vous propose d'écouter, après avoir entendu Ben Harper, qui était à côté de Joseph Arthur et de Danny Harrison, le fils de George Harrison, dans ce groupe éphémère qui s'appelle Fistful of Mercy. Après les avoir écoutés, ces trois-là, je vous propose d'écouter un duo qui est composé de Buddy Guy et de la petite Jo Stone, qui a 30 ans maintenant quand même, parce que à force de dire la petite, elle a commencé à 16 ans, certes, mais comme tout le monde, elle a pris un an chaque année, et donc elle a 30 ans, et elle continue son blues, elle fréquente les plus grands, et tout le monde veut chanter avec elle. Elle a déjà chanté avec Mick Jagger, vous vous souvenez peut-être, Mick Jagger et Keith Richards. Là, c'est donc avec Buddy Guy, et ça s'appelle Baby, You Got What It Takes. La voici, Jo Stone. Avec Buddy Guy. Well, now it takes more than a robin to make the winter go. And it takes two lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts of cocaine to make a fire grow. Yes, it do. That's for sure. You know it takes a lot of kissing. Tell me about it now. To make a romance sweet. Mm-hmm. Ooh, it takes a lot of loving to make my life complete. It takes a lot of woman to knock me off my feet. Sure does. And baby, you got what it takes. I said, mm-hmm. What did you say, baby? I said, mm-hmm. You know, you got just what it takes, because it takes more than effort to stay away from you. Yes, it does. It takes more than a lifetime. That's right. To prove that I'll be true. Special to make me say I do. Oh, yeah. And baby, you got what it takes. Oh, yes, you have. Oh, yes. I say, I said, you know, you got just what it takes. Because it takes. Oh, yeah. Ooh, you're back in my spot now, honey. I like your spot. And I can't stay away from you. I can't stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. But it takes somebody special like you to make me say I do. And I know, and baby, you got what it takes. All right. You got. And baby, you got what do it again. Woo! Oh, God, what it takes. That sounds good. Try it one more time. You got it. And baby, you got what it takes. C'était Leon Bridges, à l'instant, Leon Bridges, avec son album Good Thing. Je ne l'avais pas, jusqu'à présent j'avais le single, on a beaucoup passé, on l'a pris en powerplay, le titre Bad Bad News, c'est sur l'album qui est paru il y a quelque temps. Mais là j'ai récupéré un disque, c'était le dernier d'ailleurs, qui était disponible dans un magasin qui s'appelle Target aux États-Unis. Vous savez, les Target, comme les Walmart, sont des magasins, des grandes surfaces, mais ils se spécialisent un peu dans la musique, encore que de plus en plus, je vois de moins en moins de disques, ça c'est vrai, de moins en moins de CD. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, il faudra passer à autre chose qu'au CD, puisque, vous voyez, même dans les voitures de location, celles que j'ai louées à Nashville, il n'y avait pas de lecteur de CD, donc il faut des fichiers, il faut des clés USB. Mais là, donc, chez Target, j'ai trouvé le Leo Bridges qui m'attendait, et je l'ai pris. Je l'ai immédiatement programmé ce soir dans les Nocturnes sur RTL. Ça s'appelait Shy, bien sûr. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Un disque, encore un, puisque on en a des CD à passer. C'est un titre de Graham Nash. Et pourquoi Graham Nash? Tout simplement parce que il entame une tournée qui va passer en Europe. Je n'ai pas du tout les dates, mais je sais qu'il va passer au Grand Duché de Luxembourg, puisque le producteur, le tourneur de là-bas m'a envoyé un mail. Donc, il vient en Europe pour faire la promotion de son double CD qui va paraître bientôt, qui sera un best-of qu'il a préparé lui-même. Moi, je vous propose d'écouter un titre qu'on avait entendu à l'époque où il était venu chez nous pour faire une masterclass. Vous vous souvenez, il était venu avec Shane Fontaine, qui est son guitariste, et ils avaient beaucoup parlé du nouvel album qui, à l'époque, nous proposait This Past Tonight, d'autres titres qu'on a beaucoup entendus. Target, tiens, on parlait du magasin, là aussi, il y a un titre qui s'appelle Target, mais Target, en anglais, ça veut dire cible. C'est pour ça, ça n'a rien à voir avec le magasin, la chanson qu'il a enregistrée. Mais là, je vous propose d'écouter encore un morceau qu'il avait interprété quand il était dans le grand studio pour cette masterclass. Et puis, il nous avait fait aussi l'amitié de chanter des choses qu'il faisait à l'époque de Crosby, Stills, Nash & Young. Ça nous avait vraiment beaucoup plu. Voici donc Graham Nash dans les Nocturnes sur RTL. What you gonna do when the last show is over? What you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over and you can't turn your back on what you face? And who you gonna be when the lights are all fading? And who you gonna be when the band comes off? And who you gonna be when your heart is still aching and you can't shrug it off with just a laugh? Encore. sur l'album, donc, qui s'appelle This Path Tonight. Je formule les plus grands vœux pour qu'ils se retrouvent, ces trois-là. Je veux parler de Crosby, Stills and Nash. Apparemment, il y aurait peut-être de l'eau dans le gaz, comme on dit un petit peu familièrement. Entre eux, surtout entre Graham Nash et David Crosby, ce qui est bien dommage. Donc, si on discute avec Graham Nash, comme je l'ai fait avec lui récemment, on se dit qu'il n'y a plus de chance de les voir ensemble, mais bon, après avoir passé 45 ans, passé de la musique, je me dis que souvent, ils reviennent ensemble, ces gens qui sont brouillés pendant un certain temps, et on croise les doigts. Et en attendant, on a les disques pour nous souvenir de ce qui se passait à l'époque où ils étaient là, tous les trois. Alors c'est avec le plus grand bonheur que l'on réécoute Southern Cross tout de suite. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Got out of town on a boat on the Southern Islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run Papa Ede. Off the wind on this heading line of the Marquesas, you got 80 feet of a waterline. Nicely making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about Southern Cross for the first time, you understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying, and my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about somebody

c'était The River, et si j'ai décidé de vous proposer ça, c'est parce que j'ai rangé un disque chez moi qui était le disque de Bruce Springsteen qui accompagnait l'autobiographie Born to Run. Et ce disque, cet album, permet d'entendre des choses qui vont du tout début de la carrière de Springsteen, à l'époque où il ne chantait pas sous le nom de Springsteen, il était, faisait partie du groupe de Castles, jusqu'à Wrecking Ball, donc une vingtaine de chansons choisies par Bruce Springsteen, qui considère qu'on peut lire son bouquin en écoutant ce disque. Voilà, les choses sont comme ça, bien claires. C'était The River, bien sûr, la version de 5 minutes. Il y a surtout la version live qu'on passe souvent, mais là, j'ai passé celle-ci, puisque j'avais le disque entre les mains lorsque j'ai fait un peu de rangement chez moi. Le Power Play, cette nuit, c'est un disque qui va sortir vendredi, c'est-à-dire demain, puisqu'on est jeudi depuis 34 minutes. Ce sont les Ruin Brothers. Alors, les Ruin Brothers, ils interpellent d'abord par leur look. Quand on reçoit le disque, on se dit, tiens, c'est quoi ça? C'est une sorte de disque vintage. Qui sont ces deux-là? Et quand on lit la feuille qui accompagne le disque, on s'aperçoit que ce sont des frères multi-instrumentistes et compositeurs, les frères Rupert et Henry Stansel, qui ont formé le groupe Ruin Brothers à partir de l'amalgame des premières syllabes de leur prénom, inspiré par leur père aficionados de musique qui les a élevés avec un régime à base de Rolling Stones et d'Everly Brothers. Ces deux frères répétaient dans la cuisine familiale, tout en cherchant des concerts dans leur ville natale de Scunthorpe, qui est une commune ouvrière du nord Lincolnshire en Angleterre. Alors le disque est paru, la particularité c'est qu'il a été produit par, pour un premier disque, hein, par quelqu'un qui est respecté de tout le milieu de la musique. Il s'agit de Rick Rubin, le fameux producteur de Rick Rubin, celui qui avait redonné vie à la carrière de Johnny Cash, qui a produit tellement d'artistes. Alors Rick Rubin les a entendus, les a rencontrés, leur a proposé de faire un disque, et bien évidemment ils ont accepté, d'autant plus qu'avec le soutien de Rick Rubin, ils ont pu avoir aussi des musiciens hors pair qui les ont accompagnés sur leur disque. Il y a par exemple Ian McLagan des Small Faces, qui malheureusement n'est plus là. Il y a Dave Cunning des Killers, et il y a Chad Smith qui fait partie des Red Hot Chili Peppers. Donc l'album va paraître, je l'ai depuis quelques jours, mais on va l'écouter ce soir, un extrait en tout cas. C'est un album qui s'appelle All My Shades of Blue, et c'est plus particulièrement le titre que je vous propose d'écouter maintenant. Ok, j'ai été clair, on y va. Ruin Brothers. Power Play. Must be some tambourines. I hear them as the record goes round. Those sweet melodies, but the chords are ringing a little too loud. No, it's not black and white. Oh, baby, I know I feel my color. Nothing that I wanna face, 'cause I'm nothing with you gone. Don't I? stillness of the night wraps round me like a blanket tight, gets inside, you see. Entendu donc les Ruin Brothers, l'album paraît vendredi 15 juin, minuit 40. Et là, on va aller du côté du Troubadour, sur Santa Monica Boulevard à Los Angeles, West Hollywood. Sur scène, la réunion de James Taylor et de Carole King. C'est là qu'ils se sont rencontrés il y a bien longtemps, dans les années 70. Carole King venait d'enregistrer un titre sur une maquette, elle n'avait pas fait encore de disque avec cette chanson, et elle l'avait chanté dans les coulisses du Troubadour à James Taylor, qui a dit « c'est formidable, tu vas avoir un succès, enregistre-la vraiment, allez, mets-la sur un disque ». Et elle lui a dit « non, c'est pour toi ». Alors lui, il a été complètement sidéré, il s'est dit « mais non, c'est une superbe chanson, tu l'as écrite, tu vas la chanter ». Elle a insisté, il l'a enregistrée. Il a eu énormément de succès avec You've Got a Friend, et par la suite, Carole King l'a chanté également et enregistré. James Taylor, Carole King, ensemble, sur la scène du Troubadour, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Écoutez ça. When you're down and trouble, and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes and think, yes, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer, really, all you gotta do is call, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend. hey now. Now ain't it good to know you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them. You just call out my name, oh, now, and you know wherever I am, I'll come running just as fast as I can to see you again. See you again. Oh, yes. Don't you know about that winter, spring, summer? You've got yourself a friend. Ain't it good to know that you've got a friend? Walking and talking tonight. Here we are at the troubadour. We never thought we would do this anymore. But this was the place. This song that we're going to do now is a song that Carol wrote, I don't know, for the Drifters. And you know what? Every once in a while I remember this was written with Jerry Goffin. He wrote the lyrics. And note how... Thank you. Yes. Amen. And note how cleverly he inserted the word drift into this. Oh, that's right. You'll hear it. I didn't know this. That was lost on me until this very moment. When this old world starts getting me down, people are just too much for me to face. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. Place I know, but never said anything. telling you that right smack dab in the middle of my town I found a paradise, just about trouble proof I know. And if this whole world starts a getting you down, there's room enough for two, yeah, up on my song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day. We're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like, only close your eyes. You can close your eyes, it's alright, 'cause I don't know no love songs. I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm Voilà, c'était au Troubadour, à Los Angeles, sur Santa Monica Boulevard, un temple de la musique. C'est pas sur Sunset, il y a d'autres clubs, mais celui-là, il est très connu aussi. Et c'est là qu'ont démarré des gens comme Linda Ronstadt, les Eagles, James Taylor, Carole King, que l'on entend d'ailleurs tous les deux, pour un anniversaire, je sais plus lequel c'était, en tout cas, ils étaient montés sur scène et ça a été un grand moment, ça a été capté, il y a une vidéo, et puis il y a le son. On a écouté trois titres, « You've Got a Friend », Up on the Roof, et à l'instant, You Can Close Your Eyes. On va écouter maintenant un disque d'un groupe flamand. Vous me direz pourquoi? Tout simplement parce que ici, dans la maison, on travaille avec des collaborateurs et parfois, il y a au-dessus de moi, à l'étage du numéro 1, un garçon qui s'appelle Xavier. Et Xavier m'a dit, tu te souviens, tu passais il y a quelques années un titre d'un groupe qui s'appelait Tuesday After Eight, et c'était Ancient Lullaby. Alors, je l'ai cherché le disque, parce que depuis qu'on a déménagé rue Bayard, c'est un peu compliqué de retrouver des disques parfois. Il y en a chez moi, à Paris, il y en a chez moi, à Luxembourg, bref, il y en a un peu partout. Et j'ai retrouvé le disque. Alors, on va écouter ça. Ça va nous rappeler plein de choses. On les avait invités d'ailleurs lors d'une soirée qui avait été organisée chez nos amis de Bel RTL. C'était à RTL House, à Bruxelles. On avait fait 3 heures, rien qu'avec des groupes ou des artistes qui étaient belges, qu'ils soient wallons ou flamands ou bruxellois, parce que ceux qui connaissent la Belgique savent de quoi il s'agit. Ça n'a rien à voir, hein. La Flandre, la Belgique, la Bruxelles, c'est 3 Belgiques différentes. Et ça va être un superbe moment. Donc voici Tuesday After Eight. Ils doivent leur nom à un rendez-vous qu'ils se donnaient tous les mardis à 8h du soir. C'était le seul moment dans la semaine où ils étaient dispo pour faire des répétitions. Tuesday After Eight, Ancient Lullaby. Wind me up when you're ready to spin. Free your mind from the voices within. Wake me up when you're ready to go. Take your time, make it easy and slow. I can take you anywhere. So believe me, I'll wind you up when I'm ready to spin. Free my mind from the voices within. Wake you up when I'm ready to go. Take my time, make it easy and slow. I can take you anywhere, so believe me, I will keep you from despair. I will take you anywhere, so believe me, I. Wind me up when you're ready to spin. Free your mind from the voices within. Wake you up when I'm ready to go. Take my time, make it easy and slow. Take you anywhere, so believe me, I groupe Tuesday After Eight, Ancient Lullaby. Pour terminer ces nocturnes sur RTL, je vous souhaite une très bonne fin de nuit, une bonne nuit tout court, puisqu'elle ne fait que commencer pour certains. En tout cas, on se retrouve demain, si vous le voulez, à partir de 23h pour une